laisse défiler les images. Ce soir, tu n'as plus de bagages. Tu as laissé couler les larmes et tu as déposé les armes. Tu pars pour un autre voyage, un peu plus vieux, mais pas plus sage. Comme un vieux rêve solitaire, tu l'as vu se coucher sans bruit et tu t'écoutes.